Douche. Je prendrais bien une douche. Piscine. J'irais bien à la piscine. Sieste. Je ferais bien une sieste. Bière. Je boirais bien une bière. Plage. J'irais bien à la plage. Gâteau. Je mangerais bien un gâteau. Cinéma. J'irais bien au cinéma.